Jusqu'à pas d'heure, il voudrait bien trouver la bonne sœur. Qu'elle soit blonde, rousse ou brune, il voudrait seulement. Oh.